Bifidus Actif. Cette semaine, j'avais décidé de consacrer ma bio au Bifidus Actif à Penélope Cruz. Puis me rappelant que j'avais déjà consacré une bio à une femme la semaine dernière, en l'occurrence Catherine Deneuve. Bio qui m'a d'ailleurs valu une lettre de jalousie incendiaire de la part de Sophie Marceau. J'ai donc décidé, pour respecter la règle de l'alternance, de ne pas consacrer ma bio à Penélope Cruz, mais à son frère, Tom. Comment ça, c'est pas son frère? Mais alors c'est qui, c'est pas son frère, sa sœur? Non mais c'est n'importe quoi. Ils auraient été amants. Mais c'est leur vie privée, ça. Si un frère et une sœur veulent coucher ensemble, c'est leur droit. Le seul risque, c'est qu'ils fassent des enfants. On appellera alors ça un dommage collatéral. Oui, alors des noms de films joués par Tom Cruise se sont glissés dans ma chronique. Sauras-tu les retrouver? Pantoufle collatéral. Un point. Et puis qu'importe s'ils couchent ensemble. Tout le monde sait que le cinéma est une grande famille. Et puis d'abord, je dis ce que je veux, c'est ma chronique. Si j'ai envie de dire que j'ai 25 ans, que je mesure 1m80, eh ben je le dis. Mais c'est vrai? Non, même si c'est pas vrai. Merci Clément. Oui, Tom Cruise et moi, nous avons la même taille. Nous mesurons tous les deux 1m24. Mais ça donne de l'espoir. Ça montre que réussir en étant petit n'est pas mission impossible. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce que si le premier Mission Impossible a été réalisé par Brian De Palma, que tout le monde connaît, le deuxième a été réalisé par un inconnu, John Woo. John Woo, c'est qui? Il faut savoir que Tom Cruise est l'acteur le plus précoce, information que je tiens de Nicole Kidman et Cathy Holmes, qui m'ont confié que n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un Top Gun. Donc, Tom Cruise est l'acteur le plus précoce de l'histoire du cinéma puisqu'il est né un 3 juillet et que le lendemain, il tournait son premier film dans lequel il se rajeunissait d'un jour. Alors ceux qui n'ont pas suivi mon jeu à juste titre la semaine dernière auront peut-être du mal à comprendre ce que je viens de dire. C'est fait exprès. Vous aviez qu'à écouter. Et je pense en particulier à Capitaine Sans S, qui s'est permis la semaine dernière de se lever pour les toilettes pendant ma chronique. Ne refais jamais ça, Capitaine. Tom Cruise, qui connaît la couleur de l'argent, a reçu le plus gros cachet de l'histoire du cinéma avec 100 millions de dollars pour le film La Guerre des Mondes. Il paraît qu'au moment de lui faire son chèque, le producteur a avalé le plus gros cachet de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Donc si côté cinéma ça va plutôt bien, côté vie privée ça devient plus compliqué. De nombreux popotins circulent à son propos. Pour en savoir plus et pour essayer aussi de comprendre pourquoi je perdais toujours au jeu de Florian, j'ai décidé de consulter le site de Voici. Alors je vous rassure, je m'étais bien entendu mis auparavant en navigation privée. Et là, qu'est-ce que je découvre en titre sur la page d'accueil? Maria Carré s'évite la chute du siècle, un peu plus, et c'était le drame. Diantre. Je vous lis l'article, c'est terrifiant, vous allez voir. En se frayant un chemin au milieu des photographes, la jeune maman star s'est comme pris les pieds dans le tapis. Vacillante, la reine du RNMI a manqué de peu de trébucher royalement, se retrouvant sans ses plateformes shoes. Maria Carré peut remercier sa brillante équipe et ses bras solides pour la rattraper juste à temps. Ce n'est pas une première, puisque l'an dernier, c'est un accident de bikini qui lui était arrivé, mais quand même, on l'a sauvée de justesse. Mais comment ai-je pu vivre jusqu'à présent sans connaître ces informations capitales? Florian, pourquoi ne m'as-tu rien dit? À partir d'aujourd'hui, jour de tonnerre, j'affirme, le monde ne sera plus le même pour moi. Du coup, c'est un peu déprimé que j'ai recherché des informations sur Tom Cruise. J'ai appris en vrai qu'il était sans doute gay, qu'il appartenait à la Scientologie et qu'il aurait eu des relations inappropriées avec un hamster, bien que celui-ci ait toujours refusé de témoigner. Enfin, rien de bien important après ce qui a fait arriver à Maria Carey. Mais revenons au cinéma. En 2002, Tom Cruise tourne dans Minority Report, un film réalisé par un certain Steven Spielberg, un réalisateur dont on ne parle pas suffisamment dans cette émission. Je plaide coupable. Dans Minority Report, Tom Cruise incarne un policier qui devine à l'avance ce qui va se passer. Eh bien, moi aussi, je suis capable de le faire. Et je peux déjà vous annoncer que dans 3 secondes, cette chronique va se terminer. Merci. Merci. Bravo Jean-Paul.